attiré par le butin, j'ai de l'argent mais je fais la pince. À la place du cœur, et ben j'ai le middle. Me tends pas ton cul car je tiens dans le mille. J'suis un peu fourreau mais j'suis pas cupidon. Fais pas le super héros, si y'a drap y'a pas problème. Ramène qui tu veux, mon négro y'a pas problème. Ramène qui tu veux, mon rebeu y'a pas problème. Ramène qui tu veux, mon négro y'a pas problème. Ramène qui tu veux, mon rebeu y'a pas problème. Fais pas le fou ici, pour rien on t'allume. Fais pas le fou ici, tu vas voir la lune. Fais pas le fou ici, pour rien on t'allume. Fais pas le fou ici, tu vas voir la lune. C'est de la frappe, car qu'est ta main, je sais que t'as mal, mais nique ta mère. Nous on a plus de mots, t'es mal, on fait le ménage et nique ta mère. Nous on garde tout pour nous, on a trop les crocs. Oui, oui, on partage rien du tout. On a trop les trous. On fait tout pour la monnaie comme des petits gamins. Et oui pour l'amour.